Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du Vietnam et de l'Indochine alors que s'ouvre l'année du Vietnam en France. Hier, vous avez pu entendre pour débuter cette semaine le témoignage de Jacques Chancel qui nous a décrit un monde disparu, celui qu'il a connu lorsqu'il était tout jeune, speaker et producteur à la radio Radio France Asie. C'était au tout début des années 50 avant le départ des Français d'Indochine. Demain, nous nous promènerons dans l'exposition 1856-1956 Indochine qui se termine à la fin de la semaine au musée de l'armée à Paris et qui tente de raconter la présence française justement des Français en Indochine pendant un siècle. Jeudi, nous débattrons de l'histoire du Vietnam avant la colonisation. Quant au XVIIe et XVIIIe siècle, cette péninsule était au centre de nombreuses routes commerciales et intellectuelles. Et aujourd'hui, le documentaire qui s'intitule Une mémoire d'Indochine est signé Séverine Yattard et Anne Fleury. Elle nous raconte l'histoire d'un personnage, il s'appelait Claude Vo Thanh Loc. Il est né en Cochinchine en 1912. Il est arrivé en France à l'âge de 14 ans, en 1926, a épousé plusieurs types de familles intellectuelles. Il a été proche de Trotsky à un moment, puis ensuite il est devenu proche du mouvement dominicain Économie et Humanisme. Et sa fille a retrouvé à sa mort des documents rangés dans une malle bleue. Et elle a commencé à raconter son histoire, à essayer de la comprendre, cette histoire. C'est le sujet de ce documentaire de Séverine Yattard et d'Anne Fleury, avec les témoignages de Marie-France Vaux, de François Guillemot et de Pierre Brochu. Écully, le 28 septembre 1981. Très cher Pierre, j'ai reçu coup sur coup tes deux lettres du 24 août et du 12 septembre. Elles me replacent dans mon enfance et font revivre des disparus que je ne connais pas tous, ayant quitté notre pays en août 1926, exactement le 15, sur le paquebot Le Chantilly, quittant le port de Saïgon vers les 8 heures du matin. Une mémoire d'Indochine. Nous étions une famille donc franco-vietnamienne et on a vécu à côté de notre père sans se poser beaucoup de questions. Il travaillait beaucoup, ma mère était professeur de piano, lui était professeur de philo et puis d'économie politique. Ils étaient très travailleurs tous les deux, ils nous encourageaient dans la même voie, c'était le culte du travail. Mon père avait insisté, puisque nous étions trois filles, on devait avoir un métier. Ce qui, dans ce milieu très bourgeois lyonnais, était une curiosité. Quand il est décédé, comme je vous ai dit, il y avait très peu de choses. Une malle avec juste ses écrits. Il y a un document important que j'ai trouvé, c'était les lettres qu'il a écrites à la fin de sa vie à son frère, qu'il n'avait pas revu depuis 58 ans. Claude Vo Thanh Loc est né en 1912 en Cochinchine. À 14 ans, il part avec son frère aîné faire ses études en France et ne retournera jamais dans son pays. Tout récemment, sa fille, Marie-France Vaux, a entrepris de mener des recherches sur l'itinéraire de son père, incitée par l'historien François Guillemot qui, au fil des séances du séminaire qu'il anime à l'université, revisite l'histoire contemporaine du Cambodge, du Laos et du Vietnam, sous l'angle des littératures autobiographiques. Dans ses lettres, il parlait surtout, lui, de son village tel qu'il s'en souvenait, mais surtout l'eau partout. Les bateaux qui arrivent, qui repartent, l'arroyo derrière la maison, où ils avaient le droit de se baigner de temps en temps, quand il y avait la mousson, etc. Chaque fois que je pense à Huong Diem, notre village, je revois la rivière boueuse qui le borde et par laquelle arrivaient chaque matin des petites pirogues remplies de légumes, de noix d'arègue, de coco, de mangue, d'ananas et parfois de fleurs. Puis alors je me suis rendu compte que c'est une famille, vous verrez dans les photographies, très aisée parce que dans ses lettres, il parle des paysans qui amènent le tribut à sa mère. Donc ce sont des propriétaires terriens qui ont des grandes superficies de rizière et les fermiers amènent le tribut. Après avoir acheté sa première auto, une Peugeot décapotable, père m'emmena faire un grand voyage. On allait au Cambodge, visiter Phnom Penh et les ruines d'Angkor. Cela devait être en 1920 ou 21, puisque je me souviens qu'à l'hôtel, il y avait encore des guirlandes de drapeaux français installées en l'honneur du maréchal Joffre. Le vainqueur de la guerre avait reçu comme remerciement des gouvernements alliés la possibilité de faire un tour du monde. C'est une malle en métal bleu, comme presque tout le monde a chez soi. Vous savez, avec la tringle, il y a beaucoup de cours, des journaux qui nous paraissaient assez étranges parce qu'il y en avait beaucoup écrits en Kwok Nyu, en indo-chinois, et juste deux exemplaires en français, ce que je viens de découvrir. Donc voilà, je me suis dit, ça serait peut-être le moment de regarder cette malle. Je viens seulement de commencer, il y a à peu près 4-5 mois. À la sortie du village, un pont de fer traversait la rivière. Il permettait d'atteindre un choua, pagode, qu'entretenait notre grand-mère, je crois, et dans laquelle j'allais parfois avec notre père écouter un bonze parler du bouddhisme dans un langage tellement hermétique que Thaï avouait ne rien comprendre lui-même. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder ces photos, Marie? Vous les regardez. Alors, les photos, j'en ai très peu. Vous n'allez pas être très gâtés. J'en ai très peu. Alors, ça, c'est les photos vraiment qu'il a échangées avec son frère et qu'il a gardées. C'est tout ce que j'ai, qu'il a gardé de sa famille. Donc, voilà le père de mon père, qui a l'air assez autoritaire, ce qu'il était. Et alors, j'ai senti, en lisant les lettres, qu'il y avait un problème quand même de civilisation qu'il a dû ressentir, parce que la grand-mère paternelle était bouddhiste, chinoise, et habitait dans une maison traditionnelle. Il parle de sa grand-mère étendue dans un fan. Alors, j'ai demandé à M. Guillemot l'autre fois, il m'a dit que le fan, c'était un lit en bois dans lequel vous étiez couché, vous receviez, etc. Donc ce fan, il en parle dans ses lettres. Je me souviens des leçons de français que notre père me donnait. Nous sommes assis sur le bovan, contre lequel il y avait une table plus haute sur laquelle j'écrivais. Quand je commettais une faute, je recevais un coup de rouleau dans lequel il y avait la revue L'Illustration, à laquelle Thaï était abonné. Je me souviens aussi qu'il se retirait régulièrement pour lire ou faire la sieste dans le Na Tren, après le repas de 10 heures du matin. On mangeait ordinairement à 10 heures, sauf pendant le carême, où on mangeait à midi. Il a été élevé à l'occidental, on lui apprend le français, et envoyé au collège, donc à l'âge du collège, il va à Mito, qui est une ville qui doit être à 20-30 km de chez lui. Dans un collège catholique. Catholique, ça s'appelle Saint-Joseph de Mito. Et je pense que c'était courant pour la classe aisée. Son frère aîné, là, avec qui il correspond, va être frère des écoles chrétiennes à Hué. En haut à gauche, c'était la maison de Banaoui, notre grand-mère paternelle. Ce qui me frappait, c'était son style traditionnel avec les autels des ancêtres. Et chose curieuse, je vois un petit mur à côté avec un citronnier derrière. Est-ce exact ? Je me souviens plus nettement de son immense écurie où il y avait plusieurs chevaux et tilburies et une grande calèche. Il y avait là un petit singe, très rageur, que nous nous amusions à casquer avec une vieille boîte de fer blanc ayant contenu du pétrole. Botan Lok, Pierre Brocheux, lui, il est de Cochinchine. On comprend que il est sous une administration coloniale, il appartient à un milieu aisé qui, en fait, travaille avec le colonisateur. Là, surtout, s'il faut Quand les Français arrivent en Cochinchine, d'abord, ils trouvent des alliés, même parmi les lettrés. Et parmi ce qui était déjà une bourgeoisie, parce que la Cochinchine, qu'est-ce que c'est ? Le port principal, c'est Saigon. Et à côté de Saigon, il y avait une ville chinoise, qui s'appelait Cholon. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville chinoise ? Mais c'est une ville de commerçants, uniquement de commerçants. C'était des négociants. Ils négociaient quoi ? Mais tout le riz du delta du Mekong, tout le riz de bassin du Vamco, de la rivière du Saigon, du Donai, tout ça, c'est eux, n'est-ce pas ? Alors, et il y avait très tôt métissage, sino vietnamien. Et de là est sortie toute une bourgeoisie. Alors, c'est de cette catégorie sociale-là, de cette couche sociale-là, que sont sortis des gens qui ont consenti à travailler avec les Français. Parce que le commerce, il le faisait avec qui ? Ben, il le faisait avec d'abord la Chine, pour le riz, c'était la Chine, le principal client, il ne faut pas l'oublier. Et puis le reste, c'est la France. En tous les cas, cette bourgeoisie, Pierre Brocheux, elle est francophone. Elle met ses enfants dans des écoles catholiques, hein, d'après, puisque Claude Vaux est allé donc au collège catholique. La Cochinchine a été un des premiers centres, évidemment, où le catholicisme a fait beaucoup de progrès au début, autant et peut-être plus que dans le nord et le centre. Bien qu'il ne faut pas exagérer, hein, le nord et le centre étaient catholiques depuis très longtemps. Hein. Parce que les chrétiens, ils sont là déjà depuis un moment. Ils sont là depuis le XVIIe siècle. Il ne faut pas l'oublier. C'est d'abord les jésuites, parce que les jésuites, vous savez, au XVIIe siècle, ont été chassés du Japon. Donc, ils arrivent au Tonkin. Au Tonkin, c'est-à-dire le nord du Vietnam. Et là, ils évangélisent. Et surtout, une chose importante pour l'avenir, c'est eux qui vont créer la transcription en alphabet latin de la langue vietnamienne. Qui, auparavant, les Vietnamiens, eux, ils écrivaient les caractères chinois. Le premier document que j'ai tiré de cette malle bleue, c'est dans ses papiers personnels, c'était la copie de son acte de naissance. Je peux vous le montrer, je l'avais mis de côté. Qui était assez prenant, parce qu'il était à la fois en français et en Kwok Ngu. C'est ça, on voit un tampon noir, Marie-France Vaux, puis un tampon rouge. Oui. Alors, il y en a un qui est de l'administration. Française, et c'est écrit tout en français. Et puis, de l'autre côté, il y a un tampon rectangulaire, avec à gauche, écrit en français, Bentrey, village de Tanao. Au milieu, il y a la République française. Et à droite, il y a une écriture en caractère chinois. Cette copie a été faite en 25-26, au moment, sans doute, où il faisait les démarches pour partir en France. Alors, justement, ce départ en France, Marie-France Vaux, vous en savez un peu plus ? Pourquoi ce désir de partir ? Écoutez, ce n'est que des questionnements. Est-ce qu'il ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère ? Il avait une très mauvaise santé. Mais ça, il nous l'avait dit, supportait mal le climat, curieusement. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il a ressenti là, tous les troubles ? Parce qu'en 1926, l'année de son départ, il y a eu très graves troubles en Cochinchine, liés à l'enterrement d'un nationaliste qui avait été poursuivi par le gouvernement français. Là, il y a beaucoup d'étudiants et d'écoliers qui ont fait grève, et même dans son collège de Mito. Est-ce que son père, voyant que ça devenait assez tumultueux, a préféré envoyer ses garçons faire leurs études en France comme ça se faisait à l'époque ? Donc celui qui était plus âgé que lui. Mais alors du coup, mon père a fait, comme il a dit, un caprice terrible pour partir. Alors, parce qu'il est jeune, il a 14 ans. Il n'a que 14 ans. Le voyage aussi, il raconte, hein, je crois. Il raconte un peu le voyage. Combien ? 3 semaines ? 3 semaines. Ça durait 3 semaines à l'époque. Je me souviens qu'il parlait d'une chaleur terrible quand on était dans le golfe qui longe l'Égypte, là. Et puis du passage de l'équateur. Ça, c'était amusant. Il a dû arriver, donc, début septembre à Marseille. Puis alors, il s'est trouvé... Donc, il était scolarisé à Toulouse. Au lycée Pierre de Fermat. Et là, il est avec son frère, hein, Marie-France. Là, il est avec son frère, tous les deux, oui. Ils ne rentrent pas du tout pendant les vacances. Ils sont accueillis dans des familles de cultivateurs. Il y a quelques toutes petites photos où on les voit dans les champs, dans les Pyrénées, avec d'autres jeunes indochinois qui font leurs études. Ça, c'est la version que j'ai connue toute mon enfance, pas plus. C'est dans la malle bleue, donc j'ai trouvé son diplôme de baccalauréat qu'il a eu en juillet 31. Et ensuite, il s'est inscrit à la faculté des lettres de Toulouse. Et là, vous croyez, Marie-France Vaux, c'est son père qui lui envoie de l'argent. Comment ils vivent, ces deux garçons Ah là, c'est le père qui envoie de l'argent. Sûrement, parce qu'il y a eu quand même une rupture quand il n'y a plus eu l'argent du père. Ça, on le sait par plusieurs témoignages après. En 1933, l'argent du père s'arrête. Il y a une immigration estudiantine dont les effectifs commencent à grossir en France. Dans les années 20, c'est à ce moment-là aussi que les 92 000 et quelques travailleurs et tirailleurs vietnamiens sont rentrés chez eux, avec toutes les déceptions qu'ils en ont connues. À ce moment-là, dans les années 20, les années 30, l'intelligentsia française de gauche, hein, plutôt, commence à alerter l'opinion sur la situation des colonies. Je pense par exemple à l'ouvrage entre autres d'André Violis, SOS Indochine. Oui. Effectivement, c'est très important, cette après-guerre, cette première après-guerre très importante pour les colonisés. Et aussi, par voie de conséquence, sur la gauche, l'extrême gauche française, ou même sur la droite libérale. Il ne faut pas quand même généraliser et voir qu'il y a droite-gauche, etc. Il y a des gens de gauche qui étaient parfaitement impérialistes, hein, et pour le maintien des colonies, et pour l'exploitation des colonies. Vous savez bien que Jaurès était pour la colonisation. Simplement la colonisation humaniste. Il disait la colonisation civile, par les civils, pas par les militaires, surtout pas la conquête militaire. Voilà ce qu'il disait. Mais lui, il était pour la colonisation, parce qu'il pensait, comme Jules Ferry, qu'on apportait la civilisation. Alors, les premières victimes de la répression coloniale, je ne parle pas de ceux qui avaient conduit la lutte armée, n'est-ce pas, qui s'arrêtent en 1897 d'ailleurs, à peu près, c'est la fin de la résistance armée. Au Vietnam, il y avait un mouvement de lettrés qui est apparu, qui prenait exemple sur les mouvements des lettrés réformistes chinois, ceux qui voulaient la réforme de l'Empire, c'est pas, et qui a été réprimé violemment, hein, par l'armée d'abord, l'armée impériale, hein, parce qu'il y avait toujours une armée impériale, puisque la NAM, c'était un protectorat. Ce n'était pas une colonie comme la Cochinchine. On a la liste des lettrés réformistes qui ont été condamnés aux travaux forcés. Le nœud qui était à la tête, qui était un vieux, Phan Chu Trinh, a été condamné à mort. Et puis, au bout d'un moment, sous la pression de la Ligue des droits de l'homme, etc., de tous ses amis français, et la Ligue des droits français, Phan Chu Trinh, le gouverneur général Kolbukovski, qui s'appelait comme ça, l'a fait transporter sur le continent en résidence surveillée avant de l'envoyer en France. Et là, il trouve quelqu'un qui va l'aider, qui va le soutenir à fond, qui s'appelle Phan Van Truong. Phan Van Truong, très important, un personnage clé. Parce qu'en 1908, et il l'écrit dans ses mémoires, je voulais fuir cette atmosphère coloniale insupportable. J'ai demandé à venir faire mes études en France, des études de droit. Il arrive en 1908 à Paris, il fait des études de droit. C'est important, pourquoi ? Parce que ces deux hommes, au fond, deviennent le pivot, en quelque sorte, autour duquel viennent s'agglomérer au moins les intellectuels. Je me suis demandé longtemps qu'est-ce qu'il avait pu faire, parce qu'après, la légende familiale nous dit que quand même, il était à Paris. Mais il a rencontré ma mère seulement en 1939. Donc quand même, entre 1932, 33 et 39, qu'est-ce qu'il avait fait ? Et c'est par les renseignements généraux, il y a eu un dossier qui a été constitué un peu plus tard, on a appris qu'il avait toute une activité très militante. Ça a commencé à Toulouse. Il est repéré comme faisant partie d'un groupe anarchiste qui s'appelait Bien-être et Liberté. L'espion là, des renseignements généraux dit qu'il fréquente très activement un certain Daniel Guérin. À Toulouse alors. Toulouse. Et qu'on le voit plusieurs fois prenant la parole dans des meetings, dans des assemblées, ayant des propos assez virulents contre certaines pratiques de colonisateurs français. Et puis alors les renseignements généraux le retrouvent à Paris. J'ai trouvé une adresse. D34, 222 boulevard Raspail, qui paraît-il était le cercle d'études trotskistes. Donc je me suis dit qu'il avait non seulement une formation intellectuelle anarchiste, mais aussi trotskiste. Et alors là, après, j'ai trouvé aux archives d'Aix-en-Provence qu'à ce moment-là, il avait fondé, avec un certain Liu Kuangtan, un cercle d'études sociales des Indo-Chinois pour se documenter sur toutes les questions politiques, économiques et sociales. C'était pour tous les Indo-Chinois sans distinction de classe ni de parti. La doctrine marxiste y serait bien sûr étudiée, mais libérée de la propagande de l'appareil du Parti communiste. Alors ça, j'ai trouvé ça, je pensais qu'il y avait les communistes, les anarchistes, puis c'est tout. Mais là, j'ai vu que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que mon père, déjà, avait une défiance précoce envers l'appareil du Parti communiste. L'appareil. Et c'est là où je me suis souvenue donc qu'il me parlait beaucoup de ce Boris Souvarine. Les plus grandes conversations, c'était à la cuisine. Boris Souvarine, c'était en faisant cuire le riz. Ça partait de Sartre qui défendait les ouvriers de Billancourt. Il dit, oui, Sartre, c'est quand même quelqu'un, il est malhonnête. Comment ça se fait qu'il va voir les ouvriers à Billancourt pour défendre le Parti communiste, alors que comme moi, il a dû lire Boris Souvarine, il a dû lire le Staline de Boris Souvarine qui est sorti en 1936. La démonstration des crimes de Staline, il est malhonnête de leurrer un peu les gens. Donc il était vraiment ulcéré. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'a pas été au Parti communiste français? Parce que ceux dont je vous parle, ils sont tous rejoints le Parti communiste français, hein. Parce que pour eux, c'était le meilleur soutien à la cause anticolonialiste, le meilleur soutien aux indépendantistes vietnamiens. Mais à Toulouse, quand même, il y a un géographe, un étudiant en géographie, par exemple, qui s'appelait Tran Van Giao. Celui qui a organisé le Parti communiste indo-chinois dans Cochinchine. Donc il aurait pu aussi rencontrer ce géographe et devenir communiste. Absolument. Au moment de la création d'un comité justement de rassemblement des Indo-Chinois, au moment du Front populaire, mon père va créer l'Appel, journal L'Appel, qui aura 4 numéros, et le gérant est Daniel Guérin. Le contenu, c'est avant tout des éditoriaux pour que les Indo-Chinois abandonnent un peu leur division et se rassemblent pour obtenir des avancées auprès du gouvernement. Ils vont même obtenir une entrevue avec le ministre des colonies, Marius Moutet. Ils vont aller en délégation pour présenter leurs revendications à ce moment-là. Alors ce congrès indo-chinois aussi, vous avez retrouvé, Marie-France Vaux, une intervention de votre père faite lors justement d'une réunion d'information de la gauche révolutionnaire. C'est ça. En 1937. C'est ça. Qui est paru dans le livre de Daniel Guérin, où il y avait l'intervention de Wotan Lock lors de ce grand congrès qui rassemblait les militants anticolonialistes de tous les pays des colonies, que ça allait du Maroc à la Tunisie. Il y a Bourguiba. Hein, il y a Bourguiba juste après, mais il y a Bourguiba. Et Daniel Guérin lui consacre quand même 2 pages. Il parle de l'intervention de Wotan Lock, qui, après avoir rappelé les événements de 30-31, indique que le peuple indo-chinois attend les mesures qui doivent faire disparaître l'ancienne politique de force. Alors les mesures, il les énumère. Il y a l'amnistie, parce qu'effectivement les prisons étaient pleines de gens arrêtés lors de répressions. Il demande deuxièmement les libertés démocratiques et syndicales. Le Front populaire étant au pouvoir, en Indochine, il y a un peu le même désir d'avoir des libertés syndicales qu'ils n'ont pas, ou peu. Wotan Lock la rappelle que les Indochinois attendent le geste symbolique qui aurait signifié à leurs yeux la fin du régime de terreur dans lequel ils vivaient. Ils demandent quatrièmement une mesure contre les fascistes. Et ils citent un colonel qui organise même des manifestations lorsque le cinéma présente à l'écran Léon Blum. C'est là où nous pouvons découvrir qu'il se passe en Indochine, une espèce de réaction des colons contre le gouvernement du Front populaire, presque un boycott. Seuls paraissent les journaux réactionnaires qui reprennent les arguments de l'Action française. Il n'y a pas tellement de grande liberté de la presse. Il y a une déception, oui, quand même. Ah oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que sur place, c'était trop compliqué. La France n'était pas prête à lâcher les colonies à ce moment-là. Je crois qu'après la Première Guerre mondiale, la France désirait poursuivre à fond, développer à fond l'exploitation de la colonie. C'est tout. Et puis on entrait dans les années 30 quand même, il ne faut pas oublier, au fur et à mesure qu'on a avancé dans les années 30, on sentait monter la guerre. Hein. Donc le mot d'ordre, c'était resserrons la solidarité impériale, les liens de l'Empire. D'ailleurs, si vous prenez 37, c'est le 7e congrès international du Communautaire, mais on voit la même chose, puisque c'est à ce moment-là que Dimitrov fait son discours pour le grand tournant, la lutte antifasciste, le front antifasciste, etc. Et en Extrême-Orient, c'est le front anti-japonais. Parce qu'à ce moment-là, en 37, les Japonais envahissent la Chine. Ils ont déjà pris la Mandchourie. Il y a deux dangers, là, à l'est et à l'ouest. Et au milieu, bah, tous les autres, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'histoire parisienne pour mon père va un peu s'arrêter là, à ma connaissance. Et là, je peux vous dire parallèlement l'histoire familiale, c'est qu'il a rencontré ma mère. Les Allemands arrivent et il y a l'exode. Mais ils arrivent à Marseille sans le sou. Et la famille de Marseille les aide quand même à trouver un logement et à trouver des petits boulots. Surtout ma mère qui fait du tricot. Et mon père continue ses études à Aix-en-Provence, pour ses derniers diplômes de doctorat de droit et sciences économie politique. Et c'est là où c'est la grande rencontre de sa vie, je crois qu'on peut le dire. Je sais pas comment, mais enfin sûrement à l'université, à la fac de droit ou de lettres d'Aix, il y avait beaucoup de réfugiés et il rencontre ce groupe d'économie humanisme, des dominicains, le père Lebray, un philosophe. Et surtout un économiste qui s'appelle François Perroux. Qui lui était un laïc, hein, je crois. Un laïc. Et alors ce qui est intéressant dans ces deux personnages, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment qu'ils voulaient remettre l'homme au centre de l'économie. Pour eux, l'économie, ce n'était pas quelque chose de uniquement lié aux chiffres, aux statistiques ou à des doctrines capitaliste ou pas. Et alors, ils ont fondé un mouvement qui s'appelait Économie et Humanisme. Tribune Libre, 13 janvier 1977. À Économie et Humanisme, nous avons la forte conviction que la vie est plus forte que les structures aliénantes et que les hommes, collectivement, peuvent transformer ces structures et les mettre à leur service. Lorsque dans les années 30, le dominicain Louis-Joseph Lebray aidait à s'organiser les pêcheurs de la côte bretonne face à la crise économique et à l'anarchie du marché capitaliste. C'était à cet appel de la vie, à cette conviction qu'il obéissait. Lorsque dans les années 50, le même Lebray, avant beaucoup d'autres, a interpellé les pays nantis sur leur responsabilité face au tiers-monde, c'est également le même appel de la vie dans sa dimension humaine et universelle. Son livre, fameux à l'époque, n'était-il pas intitulé « Suicide ou survie de l'Occident » ? Donc ils ont fondé ce mouvement et mon père, ils l'ont nommé, il a un certificat de travail là dans la malle comme documentaliste. Et c'est un mouvement aussi qui va se rapprocher ensuite, Marie-France Vaux, de la revue Esprit, c'est l'école du Riage, voilà. C'est des gens comme l'existentialisme chrétien, ce qu'on a appelé c'est ça, après Emmanuel Mounier, Domenard. On sent que c'est vraiment un groupe qui va sûrement motiver mon père. Des catholiques qui essayent de s'inspirer d'une doctrine marxiste, mais pour trouver une voie un peu plus sociale pour le christianisme. Et c'est des gens de premier plan, je m'en suis aperçue. Il a eu la chance de rencontrer Père Lebray, Leuve, Jacques Leuve. Dites-nous qui c'est, Jacques Leuve. Alors Jacques Leuve, donc c'est un dominicain, mais qui voulait être prêtre au milieu des ouvriers. Il s'était fait embaucher sur le port de Marseille, parmi les dockers. Mais à ce moment-là, il y avait donc vraiment à la fois cette recherche intellectuelle et puis cette volonté de s'impliquer sur le terrain. Et ensuite, ils se sont installés à Écully dans le giron d'économie humanisme. Moi, je devais avoir 3 mois quand ils sont venus. parce que je suis née en février et ils sont venus en été 43. Et c'est vrai qu'il y a une utopie de communauté qui s'installe, parce qu'en fait, ils sont dans une villa avec les pères dominicains au premier étage et les civils au rez-de-chaussée. Alors, il y a pas mal, il y a quand même entre 65 et 100 personnes qui s'engagent vraiment à fond, se jurent une sincérité profonde. Enfin, ça dure. Ils éditent un petit bulletin. Ce groupe s'appelait effectivement les Compagnons de la Vérité. Mais ça ne va pas durer très longtemps, vous savez, parce que les civils sont mariés, ils ont des obligations familiales. Ça marche le temps d'un an et un an et demi. À partir de ce moment-là, Votan, si j'ose dire, va être professeur de philo, de droit et d'économie politique dans l'enseignement privé catholique. Et aussi dans l'enseignement technique et professionnel. Il aimait tous les publics. Alors à Lyon, il y avait à ce moment-là aussi tout un mouvement autour de la faculté catholique qui s'appelle la Chronique sociale de France, qui est une revue catholique et lyonnaise depuis 1909. Et il y a rencontré un personnage extrêmement truculent et très créatif qui s'appelle Joseph Folliet. Et ce Joseph Folliet aussi, Marie-France Vaux, c'est un fervent anticolonialiste. Oui. Hein, je crois qu'il est parti lui-même. Il a travaillé sur le travail forcé aux colonies. Je crois qu'il a fait une thèse sur ce sujet. Il a fait une thèse là-dessus, dès 1933. Parce que bon, voilà, on a un petit peu perdu de vue la question de l'Indochine. On a l'impression. Alors, on ne l'a pas perdu de vue parce que, si vous verrez, il a écrit beaucoup dans les journaux. L'écho, la liberté, l'essor. Il a écrit des articles qui tantôt pouvaient très bien être d'économie politique pure. Mais il y a aussi des articles sur la situation de l'Indochine. Il décortique, il analyse les situations d'une façon extrêmement pondérée. Mais il y a quand même un coup de théâtre qui fait que c'est qu'en 1950, il est nommé délégué régional à Lyon de Sa Majesté Bao Dai. Est-ce que juste, François Guimond, vous pourriez rappeler une situation assez étrange où les Japonais libèrent l'Indochine, Bao Dai proclame la République, et puis il y a une deuxième République qui est proclamée le 2 septembre 1945 par justement Ho Chi Minh. Et alors, quel est le rôle de la France ? La France ne s'est pas rendue compte qu'elle avait été évincée, c'est-à-dire qu'elle était totalement dans le déni de l'indépendance vietnamienne. Le coup du 9 mars 1945 représente déjà la perte réelle du pouvoir français en Indochine. Elle aurait dû se mettre dans un processus de négociation plutôt que dans un processus de reconquête, si vous voulez. Tout le drame vient de là aussi. C'est-à-dire que la France n'a pas compris que les choses avaient changé. Et la déclaration du 24 mars 1945 de Gaulle ne va pas du tout dans le sens d'une accession à l'indépendance. Le retour de la France se fait par la Cochinchine. À partir de septembre 1945, enfin au début octobre, on a les troupes de Leclerc de la 2e DB qui débarquent à Saïgon. Et puis là, c'est un processus de reconquête militaire. C'est une guerre de reconquête. Charles de Gaulle, 16 février 1945. Honneur et bonheur au noble peuple annamite. Confiance dans cette grande association française que vont constituer 110 millions d'hommes en tant de contrées de la terre, rassemblés, vaillants et laborieux, sous notre drapeau, voilà le vœu que la France tout entière forme à l'occasion de la fête du Tête annamite. Ce qui est très important, c'est la période un peu cruciale de février-mars 1946. Déjà février, Ho Chi Minh ne sait pas s'il va pouvoir rester président de la République. Et donc à ce moment-là, Bao Dai, que fait-il ? Ho Chi Minh l'a écarté déjà. À ce moment-là, il hésite fortement à jouer un rôle politique. Il va vraiment avoir cette volonté de réintervenir sur la scène politique de son pays à partir de 1947, lorsqu'évidemment tous les émigrés vietnamiens qui ont échappé aux campagnes d'épuration de la police secrète du Viet Minh vont pousser Bao Dai, vont se réunir pour lui dire « Vous êtes la seule carte qu'il nous reste pour reprendre le pouvoir au Vietnam. 25 juillet 1949. Il est exactement 9h30. Nous sommes actuellement au balcon du théâtre municipal d'Hanoï, dominant la large place sur laquelle va se dérouler la manifestation au cours de laquelle l'ex-empereur Bao Dai va s'adresser aux populations du Nord-Vietnam. Une foule nombreuse que l'on peut évaluer à près de 20 000 personnes inonde déjà cette place et de nombreuses délégations arrivent encore par la rue Paulbert perpendiculaire à la façade du théâtre. On voit également de nombreuses délégations constituées par des paysans. Ils sont arrivés pieds nus avec leurs pantalons courts et qui constituent leurs vêtements de travail. Et en les voyant, on a très nettement l'impression qu'ils ont quitté dès les premières heures du jour la rivière dans laquelle ils travaillaient pour prendre la route d'Hanoï et être là à leur succès pour pouvoir témoigner de leur fidélité à Sa Majesté Bao Dai. Mais voici que l'ex-empereur paraît au balcon, une ovation formidable l'y accueille. Il s'approche du micro, il se prépare à parler, la foule se tait, elle écoute. Compatriotes, depuis longtemps, je m'étais promis de vous revoir. Au cours d'un premier séjour dans cette capitale, voici 4 ans, j'ai pu éprouver la mesure de votre patriotisme, de votre sens des réalités, du courage que vous déployez dans l'accomplissement de votre labeur quotidien. J'ai pu me rendre compte que, sans vous laisser entraîner par aucune idéologie, vous n'aviez tous qu'un même espoir, l'indépendance de notre pays. Et l'ex-empereur trace un large programme de reconstruction nationale. Dans le Sud-Vietnam, grenier de notre pays, l'agriculture doit être perfectionnée selon les méthodes scientifiques modernes. Le Nord-Vietnam, dont les ressources naturelles et les disponibilités en main-d'œuvre sont particulièrement importantes, doit être fortement industrialisé. Quelques jours, le premier conseil des ministres du gouvernement vietnamien se réunira sous la présidence de Sa Majesté Bao Dai. Le nouvel État vietnamien rentre dans l'histoire, fier de son indépendance, de son unité, de son appartenance à l'Union française. Puis, les nombreux désirs exprimés simplement par les pancartes des manifestants d'aujourd'hui, être prochainement des réalités. Puissent les souffrances et les divisions du peuple vietnamien être définitivement closes. Je me souviens très bien d'une chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'il avait le drapeau, le fameux drapeau national jaune à 3 bandes rouges, qu'il avait soigneusement dans son armoire et qu'il dépliait et faisait flotter à son balcon le jour de la fête nationale. Parce que quand même, mon père était vraiment délégué régional à Lyon de Sa Majesté Bao Dai. Il y avait un haut commissariat à Paris dont il dépendait. Il y avait un bulletin, d'ailleurs, que je serais curieuse de voir, ce serait bien. Et mon père était rémunéré et tout. Et même à la limite, il portait le titre de consul. Mais il a aidé beaucoup de gens. Il y avait quand même pas mal d'indo-chinois, surtout dans les usines de la région lyonnaise. Alors, il les aidait pour des démarches administratives, essayer de les aider à trouver un logement, etc. Parallèlement, il a édité ce journal. Alors voilà, Tok Wok. Très important. Oui. Alors. Tok Wok. Tok Wok. Qui devient Tok Wok Moi. Voilà. Édition en langue française du 30 décembre 1950. Tok Wok. Je prononce pas. La Patrie. Organe d'information politique des Vietnamiens de France. Parce que le Tok Wok a toujours servi loyalement la cause de l'indépendance du Vietnam dans la dignité et la démocratie. Parce que le Tok Wok a toujours servi loyalement le gouvernement national par ses critiques constructives et en le défendant contre ses deux ennemis mortels, le colonialisme et le communisme stalinien. C'est pourquoi le Tok Wok est aujourd'hui un organe d'opinion lu par les Vietnamiens, non seulement en France, mais encore au Vietnam. Ce qui est intéressant, c'est que Van Tan Lok donc, s'occupe de ce bureau de représentation de Bao Dai à Lyon, ce qui montre que Bao Dai avait sans doute l'intention de développer ce type de réseau un peu partout. Ils sont tout à fait conscients que le matériel de propagande du Viet Minh est tout à fait conséquent, que beaucoup de gens sont informés sur les intentions du Viet Minh, que Ho Chi Minh a une aura aussi particulière. Il va falloir développer un outil identique, si vous voulez, pour promouvoir le nouvel État national qui se met en place en 49. Là, on a une nouvelle source qui est ce petit journal qui s'appelait donc Patrie, et puis Nouvelle Patrie, Tokwok Mai, et qui à la fois est un outil de propagande du régime de Bao Dai, mais qui affirme un certain nombre de choses. En mai 1952, le journal dit Bao Tokwok Mai, comme au Chungye, Georgette, la Chungye, Kwokza Zaifong, c'est-à-dire que notre journal Nouvelle Patrie a une idéologie claire, c'est la libération nationale. Et donc on est dans un processus irréversible d'accession à l'indépendance totale qui va intervenir évidemment bien trop tard du fait principalement de certains lobbies en France qui ne souhaitent pas en fait la mise en place d'une véritable indépendance au Vietnam. On n'est plus dans le débat anticolonialiste pur et dur, mais dans un processus de guerre froide, où là, les nationalistes vietnamiens se posent deux questions. Est-ce qu'il faut faire un petit bout de chemin avec les anciens colonisateurs pour lutter contre le communisme, ou est-ce qu'il faut être anticolonialiste d'abord, agir contre le communisme après? Donc c'est la grosse question qui se pose, c'est celle-là. En fait, dès 1953, la fin de 1953, c'est un moment clé où les nationalistes vietnamiens disent maintenant ça suffit. Et donc, ils se liguent contre Bao Dai qu'ils jugent trop mou. Ils se liguent contre la France en exigeant la sortie de l'Union française pour construire un État pleinement indépendant et non plus associé à la France. 20 juillet 1954. Ici Genève. L'accord sur le cessez-le-feu en Indochine est acquis. Rappelons les grandes lignes de l'accord que nous avons indiquées à nos émissions précédentes. Premièrement, ligne de cessez-le-feu. C'est la rivière Ben Hai, puis Bang Hieng, qui coule en général à une vingtaine de kilomètres au nord de la route coloniale numéro 9. La route coloniale numéro 9 est celle qui joint Quang Tri, sur la côte, à Savannakhet, au Laos. Le tout, bien entendu, est entre le 17e et le 18e parallèle. Beau résultat si l'on songe qu'à l'origine, le Viet Minh réclamait le 13e parallèle et qu'il est remonté vers le nord presque jusqu'au 18e. Deuxièmement, contrôle. Troisièmement, date des élections, 20 juillet 1956, dans 2 ans, et dès le 20 juillet 1955, un an plus tôt, les autorités du nord et du sud Vietnam se consulteront pour organiser ces élections. Quatrièmement, garantie. Ce sera, nous l'avons déjà dit, le procès-verbal de la séance de tout à l'heure qui contiendra les 9 déclarations unilatérales. Les négociations de Genève, moi je l'ai vécu comme un drame à la maison parce qu'on était en train justement, ils nous employaient à envoyer les journaux, on les roulait, on mettait des bandes et on faisait les adresses et on mettait les timbres. Et pendant que nous faisions ça, il a appris les accords de Genève et la scission en deux du pays. Ça a été un drame. J'ai jamais vu mon père comme ça, qui était un homme très doux, toujours très... l'effondrement total. Dans de nombreux articles contemporains, il a dit que c'était une solution bâtarde, qui n'en était pas une, que de toute façon la guerre allait continuer. En tout état de cause, au moment de la conférence de Genève en 1954, on partage le pays en deux. Hein, et ce n'est pas les Bao-daïstes qui vont avoir la responsabilité du Vietnam Sud. En fait, François Guillemot, c'est Diem. Donc c'est, Nguyen Dinh Diem est une dissidence du Bao-daïsme, si vous voulez. Nguyen Dinh Diem est quelqu'un qui, au départ, d'abord est appelé par Bao Dai pour prendre les rênes de l'État national qui est en perdition. Et puis Nguyen Dinh Diem a un autre dessein, c'est-à-dire qu'évidemment, il comprend très bien que Bao Dai n'a pas réussi à mettre en place un régime authentiquement démocratique. Et donc, quand il va récupérer la partie du Sud-Vietnam sous le 17e parallèle, il va d'abord tenter de rétablir l'autorité sur tous ces fiefs, sur toutes ces composantes qui ont été exacerbées et puis qui ont été mises en scène sous Bao Dai. Au départ, si vous voulez, je pense que le premier gouvernement de Diem, premier gouvernement nationaliste de Diem de juillet 1954, il rassemble toutes ces composantes. Il rassemble des membres du VNQDD, il rassemble des caodaïstes, il fait un peu la synthèse, si vous voulez. Et puis son deuxième gouvernement qu'il met en scène, bon là c'est autre chose. Là il met des hommes à lui Et là, on a une forme de mise en place d'un régime qui se veut un peu l'alter ego de ce qui se pratique au Nord. C'est-à-dire qu'on a un régime autoritaire dirigé par un parti unique, une forme de parti des travailleurs personnaliste, si vous voulez, et qui ressemble étrangement à ce qui se met en place avec la RDVN de Ho Chi Minh au-dessus du 17e parallèle. On est vraiment là dans un processus exacerbé de guerre froide. C'est le radicalisme qui l'a emporté. C'est-à-dire qu'on a une révolution radicale au nord et puis une révolution radicale au sud, l'une de gauche ou d'extrême gauche, si vous voulez, l'une de droite ou d'extrême droite. Voilà, on a là, le pays est fortement divisé par ce clivage avec le nationalisme, évidemment, comme moteur. Le président Diem, il l'appréciait moyennement. Vous verrez, il y a des articles où il analyse la situation du Sud et il craint son autoritarisme, son côté sectaire vis-à-vis des bouddhistes. Tout ça, il le dit dans l'essor du 6 novembre 1955. Apparemment, en 1955, on lui aurait proposé de revenir au Vietnam. Le gouvernement Diem, alors? Oui, il a refusé. Toujours été, j'ai retrouvé dans la malle, la fameuse malle, un document que j'ai trouvé assez intéressant, que vous avez là. Une contribution à l'établissement d'une politique économique au Vietnam qu'il a envoyé à M. Tran U Phuong, ministre des Finances et de l'Économie nationale du Vietnam, en août 1955. Donc il lui envoie un mémoire. Alors, il fait tout un détail de comment élever le niveau de vie des paysans, augmenter sa production, les fermes modèles, les coopératives communales, avec formation obligatoire de cadres, mais qui doivent être aussi dévoués et vivants avec les paysans, et non des fonctionnaires trop propres, entre guillemets. Et puis ensuite, il développe la politique du riz, du caoutchouc, la colonie, une politique humaine d'implantation. Mais il y a des secteurs publics, semi-publics, secteurs libres. Ben voilà, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était bien inspiré des idées d'économie humanisme. Ouais. Que représente Vo Tan Loc est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il représente un courant, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui n'est pas du tout réactionnaire ou estampillé réactionnaire comme le fait la propagande officielle, si vous voulez, mais un courant qui serait plutôt national progressiste et qui a marqué très profondément une partie de l'intelligentsia vietnamienne, qu'elle soit catholique, bouddhiste ou caodéiste ou hao ou d'une autre confession, si vous voulez. Et ça, ce courant-là, il est encore assez fort au Vietnam. C'est-à-dire que tous les anciens compagnons de route du régime qui sont en dissidence actuellement au Vietnam sont sur cette lignée, sur une forme de socialisme. Le premier qui a peut-être explicité ça de façon peut-être la plus caricaturale, c'est Hoàng Văn Cơ qui soutenait Bao Dai et qui a dit qu'il faudrait une monarchie, mais qui soit à la fois socialiste, libérale et nationale. Alors vous voyez, on est dans quelque chose de très confus, de très... Mais on a cette idée au Vietnam qu'on peut faire quelque chose, une forme d'entre-deux, à l'exemple en fait de ce qu'ont pu faire un certain nombre de pays à la grande époque du tiers-mondisme, si vous voulez, ou l'Inde de Nehru ou d'autres, où c'était quelque chose qui était très en vogue. Finalement, la période où il s'est vraiment impliqué, hein, c'était jusqu'à la mort de Diem. Parce que là, la situation du Vietnam, Diem est assassiné en 63, je crois. Oui. Et à partir de ce moment, les Américains vont remettre le grappin sur le Vietnam du Sud pour pas que le Vietnam Nord... Ils vont essayer de lutter contre l'infiltration Viet Minh. Hein. Mon père aurait pas dit mettre le grappin. Il était quand même pro-américain. Mais quand il y a eu toutes les exagérations, il voyait bien que c'était que ça n'allait pas bien se terminer pour personne. D'ailleurs. Et vous, Marie-France, vous, à l'époque, vous n'êtes pas sur les barricades, mais vous êtes à la fac en 68. Oui, oui. Comment, avec vos collègues étudiants, qui sont plutôt anti-américains. C'est vrai, j'étais à la fac de Dijon avec Jacques Sauvageau. Jacques Sauvageau, qui est un collègue très sympathique, mais qui était très anti-américain, qui pour moi disait un peu des slogans, l'impérialisme américain. Je ne connaissais pas bien, mais ça me gênait parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'exagéré et de faux. Je lui disais, mais est-ce que tu connais, tu es déjà... Non, mais c'est... Et donc, et le son de cloche que j'avais du côté de mon père, évidemment, c'était pas du tout le même. Mon père, j'avais pas où le mettre, quoi. Il y avait les grands victorieux, Kimine, tout ça, le valeureux peuple indochinois, l'unité. Et puis, il y avait les affreux colonisateurs, les Français, les Américains. Bon, puis mon père qui me dit, mais il est complètement un peu à côté. Le pauvre, il a pas joué la bonne carte. J'étais gênée parce qu'un homme que je trouvais quand même valeureux sur le plan de la pensée, penser qu'il s'était fourvoyé à ce point-là, c'était un peu embarrassant. Et puis, donc on commence à faire les recherches. Comme j'ai découvert sur Internet le site de François Guillemot. Quand j'ai lu son préambule, il développait, oui, qu'il s'appuyait sur les témoignages parce que, en dehors des idées reçues, il y avait quand même une troisième voie. Je me suis dit, mais peut-être que Bapa fait partie de la troisième voie. Et puis, petit à petit, j'ai découvert, effectivement, que c'était tout un courant qui avait été balayé, mais qui avait existé. Et ce qu'il y a d'agréable avec lui, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de gens aux États-Unis, en Australie, dans le monde entier, qui font peut-être partie des nantis, je ne sais pas, mais qui, en tout cas, ont pensé comme lui, ou pas loin de lui. Donc, on découvre qu'il n'est pas tout seul. Merci à Marie-France Vaux, François Guillemot et Pierre Brocheux. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Philippe Bouillou et Alexandre Dang. Lecture, Michel Pierre. Mixage, Cédric Chatelus. Une mémoire d'Indochine, un documentaire de Séverine Liattard et Anne Fleury. Alors, on a gardé les choses qui nous paraissaient personnelles, vraiment personnelles. Vous voyez, c'est pas sa tasse. Et là, je tiens pas mal son coupe-papier. Non, c'était quelqu'un qui était absolument pas pour la propriété. Mais par contre, pour moi, je considère comme un héritage une anecdote. Il me racontait souvent un de ses cours de philosophie. Un des premiers cours de philo pour les élèves, c'était « Au fait, pour vous, qu'est-ce que réussir ? Qu'est-ce que réussir ?» Demain, nous continuons cette semaine consacrée à l'histoire du Vietnam et de l'Indochine dans la Fabrique de l'Histoire. Et nous allons nous promener dans une exposition qui se termine à la fin de cette semaine et consacrée à la présence française en Indochine. C'est au Musée de l'Armée Indochine 1856-1956.